Les Dragons sont assez nébuleuses, du moins jusqu'à aujourd'hui. Bien que nous soyons certains que le triste Dr. Payne soit originaire de la Transylvanie, bien peu d'indices ont été laissés quant à son histoire et surtout ses parents. Vous pensiez réellement que Sinistro était un gobelin puant et sans intelligence et que celui-ci avait été recueilli par le docteur par simple pitié? Détrompez-vous. Sinistro s'est en fait un espion à la solde de la famille Frankenstein, qui enquête sur les agissements du docteur depuis des décennies. Son départ du labo pendant quelques années l'ont amené à voyager de par le monde et les dimensions parallèles afin de découvrir qui est réellement le docteur Pendragon. Nous savons que sa mère était une vampire nommée Carmilla qui, tout comme son homologue Dracula, a fait les frais d'innombrables histoires au fil des ans. Mais qui était le père du célèbre docteur? Grand-mère le sait, mais ne veut pas divulguer son secret. Du haut de ses 198 ans, grand-mère est sûre d'une seule chose, la vérité ne doit pas sortir. Du moins, pas pour le moment. Est-ce que Sinistro réussira à faire parler la vieille chouette? Rien n'est impossible. Mais au fait, où est passée grand-mère? Priez pour ne pas y survivre, bande d'enfoirés. Cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause he and I said so. Go! Yeah! We'll be right back. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 8 mai de l'an de disgrâce 2008. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement avec mon comparse de toujours, Sinistros. Donc, on a fait un voyage dans le temps. On est rendu en 2008. 2018. Ah! Non, mais ça aurait pu, tu sais, écoute. Sinistros. Il s'en passe des choses dans le labo. Ouais, énormément. Sinistros, ce soir, tu as marqué l'histoire de réanimation. Oui. C'est la première fois en 18 ans que l'ouverture ne se faisait pas par moi. Pas pire, hein? Sinistros qui a voulu. Oui, exactement, c'est n'importe quoi, je sais. Oui, moi aussi, je trouve ça très, très drôle. En fait, je serais porté à dire que. Oui, exactement! Pour une fois qu'il a raison. Oui, il a raison. Sinistros qui voulait faire l'ouverture de l'émission pour être capable de pouvoir restituer les auditeurs à savoir quelles étaient mes origines. Ben, j'ai rien compris. T'as rien compris? Ben, tu quelqu'un qui a compris de quoi dans tes élucubrations? Toi, je sais pas. Mais par contre, ce que j'ai retenu, c'est que grand-mère semblait garder un secret important. Oui, puis grand-mère n'a pas l'air d'être là non plus. Là. Non, hein? Ah, non. Non, d'après moi, il va y avoir une suite à ça. Ça se peut très bien. On vient d'entendre comme ouverture d'émission ce premier bloc à l'instant, la formation Metal Church, formation qui, en 1984, sortait leur premier album, un album d'un titre tout à fait, je dirais, comment pourrais-je dire, créatif, Metal Church. Ah ouais, c'est très, très songé. Et qui plus est, c'était la pièce Metal Church. Metal Church, une formation qui a vu le jour en 1982, je crois, pour être précis. 80, voilà. Mais à cette époque, il s'appelait Shrapnel. Ils ont vu le jour en 85, ils ont sorti un album en 84. Oui, ils sont retournés dans le temps, eux autres. C'est ça. Premier album avec le regretté chanteur. Pour moi, ça a toujours été le meilleur chanteur de Metal Church. Hey, c'est donc bien. Je trouvais ça cool comme nom, Shrapnel. J'aurais gardé ça. Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Mais il reste que David Wayne, qui est décédé en 2005. Pour moi, c'était le chanteur emblématique de Metal Church. Aujourd'hui, ils ont des trucs qui sont corrects. J'ai trouvé certains albums dans les dernières années relativement intéressants. Ils ont fait des bonnes choses. Mais celui-là, pour moi, est un album marquant. Ben, c'est l'album fétiche de Metal Church. Absolument. Juste avant, nous avions de Londres les défunts Motorhead. Défunt, puisque bientôt, on le sait évidemment, Lemmy Kilmister est décédé. La pièce Heroes, qu'on retrouve sur leur 20e album, Motorizer, qui est paru le 29 août 2008. Je savais que 2008 avait rapport quelque part. Ah, c'est ça. Sur Steam Hammer. Et nos verres avec Black Sabbath, de l'Angleterre également. Avec la pièce, ben justement, tout à l'heure, quand j'entendais ta présentation, je me disais « Take me home, please ». La pièce « Take me home », qui est tirée de leur dernière parution studio, le EP « The Hand ». C'était aussi, d'une certaine façon, c'était leur 19e, c'était leur 20e parution studio, d'une certaine façon, qui est paru le 20 janvier 2016, de façon indépendante, qui mettait un terme à la carrière de Black Sabbath. Et tu sais quelque chose, j'avais trouvé ça absolument outrageant. J'avais été voir le spectacle d'adieu de Black Sabbath au Centre Bell de Montréal. Évidemment, en arrivant, j'avais été voir les caisses de marchandises pour me ramasser. Avec des prix épouvantables. Les T-shirts, c'était probablement prémonitoire de ce qui était pour s'en venir au niveau des prix de T-shirts, parce que maintenant, c'est pas rare de les voir à 50$. Il y en avait qui allaient jusqu'à 200$. Mais le EP des N, il y a trois tounes, quatre pièces originales dessus, plus deux ou trois reprises spectacle de 13. Autographié, 250$. C'est le fun. Mais c'est parce que t'avais pas le choix, là. C'était autographié ou pas. Ça aucun bon sens, là. C'est rire du monde. C'est une tournée d'adieu, c'est le dernier show. Remercie ton public un peu, là, puis donne-leur un peu de gravy, là. Ouais, en tout cas. Ouais, ben ça peut être... On pourrait en débattre très longtemps. Tout à fait. Ce soir, il y a beaucoup de nouveautés qui sont présentées. Sinistros, à lui seul, en a une, deux, trois. C'est ça? C'est toi. Un, deux, trois, nous irons au bois. Je me rappelle plus, je vais te dire ça. Deux. Pourquoi deux? Ben, il y en a juste deux. Il y en a deux. OK. Pourquoi trois? C'est-tu, moi? oui, deux, et moi, j'en ai une aussi. C'est ça, trois, j'avais raison. Hein, c'est ça. Moi, je vous proposais formation britannique d'Angleterre, Ingested, Tant que Sinistros de Trois-Rivières, String Empire, ainsi que de Rimouski, Spirit of Rebellion. Pour le reste, Chronique Cinéma, relativement martelante cette semaine. Et puis, ben, comme à l'habitude, on va probablement faire des niaiseries. Comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes comme. Bon, on va aller en pub, je pense. Oui, allons-y. Où ça? En pub. C'est où? Je sais pas. Moi non plus. On va aller voir. Né en 2002 à Montréal, Slamdisk, c'est le label de la découverte francophone. C'est près de 40 000 albums, plus de 100 vidéoclips et la gestion de plus de 800 spectacles. Pour tout découvrir et vous tenir au courant, abonnez-vous à la page Facebook Slamdisk et à la chaîne YouTube. Bonne écoute! Le prétexte, c'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurone, les lundis 20h. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bon, toujours est-il... Que? Qu'est-ce que tu nous proposes pour le prochain bloc? Un petit bloc un peu plus noirci, comme tu les aimes. Dans le style? Bien brûlé. Ouais. Formation de Vancouver, Worm Witch, avec une pièce qui s'intitule Howling from the Grave. Ben ça, c'est toujours intéressant d'entendre ça, hein? Bien sûr. On s'endort là-dessus, nous autres. Oui. Oui. On aura aussi les Norvégiens de Aura Noir, avec la pièce Fed the Flame, Fled to the Flame. Et nous aurons également Dark Throne avec la classique canadienne. Ouais, ben c'est bien ça, cette pièce-là. Ouais. Alors allons-y tout de suite. Worm Witch, Howling from the Grave. Let's go! We'll hammer from hell. Pyrogenesis and take this torch. Sound that fill me with your 39. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Mais ça, jusqu'à 21h. Sinistre Rose. Rose. Ben quoi? Ils disent que... En tout cas, le poisson. Bon, OK. On vient d'entendre Dark Throne avec la pièce Canadian Metal. On sait pas de quoi ça parle du tout. Non, hein? Ça, si vous lisez paroles comme faux, essayez de me sortir les titres de chansons qu'il y a là-dedans. C'est bien intéressant. C'est paru sur le EP FOAD. Ça, essayez de me dire ce que ça veut dire. Ah, je peux te le dire tout de suite? Non, t'es pas obligé. OK. C'est paru en 2007 sur Peaceville Records. Je l'ai déjà expliqué souvent en réanimation, qu'est-ce que ça voulait dire. Fait que ceux qui ne savent pas, ben. Too bad. Just too bad. Il y a une toune de Voivode qui porte ce titre-là. Oui, oui, oui, oui, oui, tout à fait. Et qui est écrit de façon très claire. Très claire. Aura Noir avec le Fed de To The Flame, qui est paru sur l'album Out To Die. C'est paru le 23 mars 2012 sur Indie Recordings. Et tout juste en début de bloc, on a eu Worm Witch de Vancouver avec la pièce Howling From The Grave. C'était paru sur l'album Strike Mortal Soil, qui est paru le 12 mai 2017 sur Prosthetic. Je regarde ça, là, c'est trop tôt des vieilleries que tu as passé là. Ouais, à l'époque. Jadis, 2017, ça, c'est des décennies. Je me rappelle même pas de ça, 2017. Moi. Hein? Non, je me rappelle même pas d'hier, il faut dire. C'était quand, ça, hier? L'autre fois. OK. Quand tu dis l'autre fois, c'est pas compromettant. Non, non, c'est ça. Je vais y aller avec la première présentation de la soirée qui est un choix que j'ai retenu. Juste avec le nom du groupe, c'est pour ça que je suis sûr. Oui, c'est vrai que ça peut être évocateur. La formation britannique d'Angleterre, les Anglais de Ingested. Manchester. Mais grand-mère, où es-tu? On peut supposer plein de choses. Ingested, une formation que j'ai découvert. C'est pas vrai. J'ai découvert Ingested il y a un certain temps. Mais je dirais il y a un certain nombre d'années, peut-être 4 ou 5 ans. J'avais perdu le groupe. J'avais oublié le groupe, tout simplement. Il s'était auto-digéré. Oui, voilà. Un peu comme Pizza Rico dans Spaceballs. Oui. Et j'ai remis la main sur... J'ai redécouvert le groupe avec ce nouvel album-là de Level Above Human, qui est paru le 27 avril dernier sur Unique Leader. Tu sais, on en parlait la semaine dernière. Oui. Unique Leader commence à avoir un très beau roster de plus en plus. Et je me suis dit, ben oui, je me rappelais de cette formation. Je me suis rappelé de cette formation-là. Je vais aller écouter ça. Et finalement, l'album The Level Above Human, qui est le quatrième, je l'ai trouvé fort intéressant. Mais, ma chronique dit que ça l'a pas réinventé la roue, hein, on s'entend. Ben, pas du tout. Ça pourrait même être cliché à quelque part. Ben, moi, ce que j'ai entendu, cet album-là, j'ai trouvé qu'il y avait des petites tendances un petit peu trop deathcore à mon goût. Là. Ouais, toi, t'es pas bien, toi. Je sais. T'hallucines fort, je trouve. Deathcore. Je sais même pas de quoi tu parles, là. Tu parles-tu d'Ingested, toi? Oui. Bon, je parle du groupe Skeletal Remains, hein. Mais là, tu parlais d'Ingested. Bref, comme je disais, ça réinvente pas la roue. C'est un groupe qui à quelque part, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, surtout. Par contre, j'ai trouvé que ça s'écoutait très bien. Que c'était, comment pourrais-je dire... divertissant. Oui, voilà. Oui, divertissant. Autant qu'un spectacle de marionnettes peut l'être, là, si tu veux. Oui. C'est très divertissant, les marionnettes, oui. T'aimes beaucoup ça, toi? Oui, Nick et Pig, j'aimais beaucoup. Ça se fait, ce qu'on fait là, nous autres. J'ai accordé une note de 7 sur 10, qui est une note pour moi qui est correcte. Pour toi, ce serait probablement un désastre. Oui. Si toi tu donnes 7, ça se peut que je donne 4 ou 5. Ouais, c'est parce que toi ta mesure est complètement désaxée comme non, toi tu l'es. Moi ma mesure est en pyrex, ok? C'est correct. Oui, c'est ça. Parce que comme l'autre disait, on mesure en verge, mais ça dépend de la situation. Je vous propose d'aller écouter deux pièces d'Ingested de ce nouvel album The Level Above Human, soit les pièces Invidus, qui pour moi est pas mal la pièce la plus marquante de l'album, et une autre pièce que Sinistros considère comme étant fort important de dire Better Off Dead. Ah. Ingested, let's go. I'm not afraid of the dark.

Well, bon, il a pas aimé ça. C'est correct. Mais tu sais, c'est comment ça finit la pièce, c'est le ouais. genre de beat que je trouve trop un petit peu trop tiré core là. C'est, ouais. Ah, ben, t'as le droit, hein? Ben, c'est là. Ben, oui. Ingested d'Angleterre avec la pièce Better Off Dead. Et juste avant, qui est la sixième de l'album, nous allons voir cette présentation avec la deuxième pièce de cet album, The Level Above Human, soit Invidus, qui est paru le 27 avril dernier sur Unique Leader. Comme je disais, j'ai accordé une note de 7 sur 10, que pour moi est une note correcte. Ce qui signifie généralement que j'ai apprécié l'écoute, que je vais la refaire l'écoute à l'occasion, mais que ce ne sera pas mon premier choix, évidemment. Mais quel est mon premier choix? C'est une excellente question. Ça, c'est très difficile. Ben, c'est, tu sais quoi? C'est une question de moment. Ouais, c'est ça, que c'est je file, là. Ouais, exactement. Tout à fait. 19h54, je t'apprends à me demander, Sinistro, si on devrait pas aller faire un tour en publicité immédiatement. Je pense que oui, moi, allons-y tout de suite. Où ça? En pub. Pourquoi? Prenons notre bicyclette et allons en pub. Mais pourquoi tu veux encore aller en pub, toi? Ben, parce que j'aime ça, t'sais. Moi, j'ai appris ici que la pub, c'était très important. Ben, ça l'est aussi. C'est correct. Bon, ben, pub. Donc, on met de la pub. D'accord. Vous êtes amateurs de musique blues? Écoutez Train de Blues Assez Fou le jeudi 19h. En compagnie de mes collaborateurs Steven Hubert et Nice Bourgeois, ainsi que du bluesman de réputation internationale Paul Deslauriers, chaque semaine nous vous ferons vivre la musique blues de ses origines au blues aujourd'hui. Palmarès, histoire du blues, découvertes, discussions et entrevues sont au menu de Train de Blues Assez Fou. Une émission réalisée par Patrick Boucher, animée par Denis Baudin. Soyez des nôtres le jeudi 19h pour 3 heures de blues. Train de Blues Assez Fou à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Sinistro, tu nous proposes ta première présentation de la soirée. Oui, de la trifluvie très profonde. Stray Empire. La trifluvie très profonde. C'est creux, la trifluvie. Ben, pour moi, tout. C'est vrai que toi, t'es un gobelin du Sud, moi, maintenant. Moi, j'étais un drôle, maintenant. Oui, oui. C'est relatif, mais oui, dans les faits. C'est pas parce qu'on rit fric est gros, là, OK? Bon. Oupoulé! Il l'a pas compris, mais il rit quand même. Ça fait plaisir. Stray Empire avec un nouvel album. Stray qui sont de retour sur PRC Music avec One Fix, Nine Clouds and Six Feet Deep. On va entendre deux pièces. Avec une pochette assez évocatrice. Oui, ben c'est comme ils nous avaient habitués dans les. Oui. Avec les autres albums. On va entendre deux pièces de cet album-là. The Only Hell I Know, t'es pas capable de lire ce que t'avais. Ouais, j'ai mis un puits pour la fin de ta mêlée. The Only Hell I Know is Dead of Night. Alors, allons-y tout de suite. C'est paru le 23 mars dernier sur PRC Music. Stray Empire, go! Let's go! Moi, là, j'ai bien aimé cette pièce-là. Ouais, c'est rock'n'roll, hein. Ouais, c'était cool. Ah ouais, c'était un bon petit riff bien rock. Oui, tout à fait. Un bon petit riff bien rétro. Non, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était cool, cette tune-là. Ouais. Swag Empire avec deux pièces de l'album One Fix, Nine Clouds and Six Feet Deep. On a entendu les pièces Dead of Night et The Only Hell I Know. C'est paru sur PRC Music le 23 mars dernier. Alors, garochez-vous à l'acheter ça, ça vaut vraiment la peine. Ben, sais-tu qu'honnêtement, ouais, c'est assez de qualité. Oh! Ouais. Peut-être que le drame aurait dû sonner un peu plus. Production un petit peu faible, ouais. Ben, manque de profondeur, mais en tout cas, pff, ouais, c'est mais pas ça, vrai. Ben, c'est un bel effort, absolument. 20h06, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show. Soyons de C'est Fou 89.1 FM, et ce jusqu'à 21h. Et c'est la deuxième présentation de Sinistrose, qui, malpoli comme il y a, décide d'en faire deux ce soir. Oui, j'ai comme été presque payé par PRC Music pour passer ça. Ah, ben, OK, ben je vais te soutirer un certain pourcentage. Et je pourrais le faire, c'est quand même moi qui décide si ça joue ou non. Là. C'est clair. Bon, fait qu'on c'est s'entend. C'est pas clair, ça sera Pierre. On s'entend-tu pour 80% pour moi? OK. OK, ben, bah, c'est peut... un beau dé, c'est un beau dé. Oui. Je suis un Sinistrose, pas trop fiole. Pas trop d'affaires non plus. Non, vraiment pas d'affaires. Spirit of Rebellion, formation de Rimouski, vient de sortir un nouvel album qui s'appelle The Reign of Denial. Ben, ma foi, ça sonne très bien. C'est très dead old school. Leur quatrième album, je pense. Oui. Ça rentre au poste, mes amis. C'est pas mal intéressant comme riff, puis comme ensemble. Eux autres jouaient samedi dernier pour le Metal Bash. Oui, c'est ça, tout à fait. Effectivement. Ouais. Alors, on va entendre deux pièces. Les deux pièces s'intitulent respectivement « Leading to Nothing » et « A Crack in the Logical Order of Things ». J'aime bien ce titre de tune-là, c'est cool. C'est long à écrire, pardon. C'est long à écrire, mais c'est pas grave, c'est bien fun. C'est le fun à prononcer, mais tant que c'est pas en allemand, on est correct. Ben, probablement. C'est ça. « Spirit of Rebellion » avec l'album « The Reign of Denial ». Go! Let's go! Oop. We'll be right back. Je te comprends pas, toi. Quoi? Tu penses autant de la musique du diable. La foi du bon Dieu, hein? Ça se peut-tu de la musique de même? Ça se peut pas. La musique du diable. Du diabre. Du diabre. C'est un petit diabrotin. Oui, gredin. Espiègre. Non, est-ce qu'on rigole, hein? Oui. Spirit of Rap. Ce qui est bien avec Sinistro, c'est que c'est un bon public. Ben oui, il y a une chance qu'on a juste un. Parce que, oui! Spirit of Rebellion, avec deux pièces tirées de l'album The Reign of Denial. On a entendu des pièces Crack in the Logical Order of Things et tout juste avant Leading to Nothing. C'est paru le 23 mars 2018 sur PRC Music. Ben moi, là, je trouve que ça sonne international. Oui, ça sonne très bien. Oui, c'est de calibre à bien l'autre bande death metal. Ah, ben, ouais, écoute, il y a des bons petits riffs là-dessus. C'est fort correct. Oui, ouais, c'était une belle présentation. Ça. On a du bon métal au Québec, puis il faut le dire. Ben, il y en a, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Il y en a. Non, non, je préfère dire il y en a. bon, c'est ça. Ben, on va aller faire un tour du côté cinéma, fils. Oh non! J'ai vu des trucs... Des images de la grosse boîte. Oui, la boîte à grimaces, des fois. Je vais commencer par le pire. Mais je vais m'en aller en m'améliorant. Bon, écoute, toi aussi, t'es comme moi, t'es un amateur de films de super-héros, tu veux les voir quand ils sortent, puis t'es curieux de savoir à quoi ça va avoir l'air, hein? Je suis curieux de voir si moi être déçu, moi. Ben, écoute, Sinistro, je peux pas dire que t'as totalement tort en disant ça, parce que... Je vais juste avouer qu'en écoutant Spider-Man Homecoming, j'ai été réellement déçu. Ah, moi aussi. J'ai trouvé aussi. Ça d'une pochitude juvénile, et c'est comme... On vient de... Écoute... Mais c'est peut-être qu'on se fait très vieux aussi, remarque. Non, c'est pas la question. C'est qu'on vient... Avec ce film-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a discrédité et enlevé tout le bel aura que le personnage avait. Ouais, on avait une espèce de crétin, là, qui... Tu sais? Non, oublie ça, je veux plus jamais voir ce film-là. Par contre... J'en ai peut-être vu un pire. Oh, ça, au bonheur. Je dis pire, non, peut-être pas pire, mais certainement égal à Homecoming, Spider-Man, Black Panther. Puis on avait donné une bonne cote à ce film-là. Ce fait que t'aimes pas les gros minous noirs, finalement. J'adore les gros chats noirs. Ceux qui ont une histoire intéressante à me raconter ou qui sont captivants à voir aller. C'est ça, il doit pas avoir le look de Catwoman, mettons. Hein? Pas du tout. Sincèrement, ce que je l'écris dans ma chronique, c'est que souvent, Internet Movie Database peut servir pour avoir de nombreuses informations sur une série, sur un film, ce qui est à venir, tout l'aspect technique, la production, le casting, peu importe. Donc, c'est une ressource intéressante. Et souvent, je me sers des IMDb comme étant... Une référence à savoir si ça va-tu être pas pire ouais, ou non. Ouais. Des fois, Rotten Tomatoes a plus de bon sens sur ce côté-là. Ben, je pense que t'as raison, puis je vais te dire pourquoi. Dans un premier temps, Black Panther, la présentation se débute extraordinaire. L'animation est très, très belle. Ouais, j'imagine que toutes les imageries doivent être très bonnes. Graphiquement, c'est génial, là. C'est l'histoire d'un homme de tribu qui, par le passé, se sont vus dans cette tribu-là attribuer une forme de substance qui permet d'avoir la richesse, la connaissance, la force, ainsi de suite. Et ça a déclenché des guerres. Bon, peut-être pas Toto. Et lui, il est, après plusieurs générations, l'élu pour devenir le roi. Jusque-là, ça va, là. C'est correct. Mais on l'amène comme étant quelqu'un qui a un super pouvoir dû à cette substance-là. Et il doit faire je sais pas pourquoi, puis je sais pas pour qui. Je sais pas quoi. Non, c'est ça. C'est pas très clair. Doit faire affronter des ennemis qui sont pratiquement imaginaires. Là. Mais bon, écoute, c'est une guerre de tribus. Ça revient à ça, là. C'est très décousu comme film. C'est 2h15 minutes. Et ça paraît 4 heures. Là. Ça m'a paru très long. J'ai l'impression de passer une demi-journée à rien faire. J'ai trouvé le film très, très décevant. très décevant. Techniquement, en plus, je dois te dire que les effets spéciaux sont tellement, tellement beurrés épais qu'ils deviennent absolument plus crédibles du tout. Ils ont même l'air d'être maladroits par moments. OK. Fait que Black Panther, moi, c'est probablement un des pires films de... Si grand-mère avait été ici. Ah. Ouais, j'aurais aimé avoir son opinion, mais je vais me reprendre la semaine prochaine. Ben, peut-être qu'elle sera pas là non plus. Peut-être pas. Peut-être plus jamais, hein, sait-on jamais. Donc, moi, j'ai pas aimé ça du tout. Autre film qui a été relativement décevant, mais beaucoup moins par contre que Black Panther, c'est Winchester. L'histoire de la Sarah Winchester, la digne héritière de la compagnie qui fabrique les armes à feu, qui les fabrique toujours d'ailleurs, qui, après la mort de son enfant prématuré, de son mari, elle est propriétaire à 51% de la compagnie. Et sous les conseils d'un médium qu'elle a rencontré à Boston, elle doit construire une maison et sans arrêt être en construction et en agrandissement constant pour être capable d'acheter sa rédemption vis-à-vis les esprits qui tourmentent, les âmes errantes qui tourmentent les humains qui ont été les victimes de cette arme à feu-là. Mais tu sais que c'est une histoire réelle, là. C'est très vrai ce que je te dis là. C'est vrai. Je te jure que c'est la pure réalité. Cette femme-là a vraiment existé. C'était la femme de William Winchester, je crois, ou Charles, quelque chose du genre. Et elle a vraiment consulté un médium qui lui a profité complètement de la situation. Tu penses-tu qu'elle était parente avec les Winchester de la série Supernatural? Non, t'es le deuxième à me demander ça. Ah. Non, pas du tout. Ben, je dis ça, je connais pas la série. C'est parce qu'on parle de surnaturel et tout. Ça se peut, peut-être, ben ça tombe jamais. Peut-être que la série Supernatural a fait une connotation avec ça, je sais pas. Et c'est un médecin qui est chargé par le conseil d'administration, donc 49%, d'aller évaluer mentalement Sarah Winchester sur place. Et il accepte, et il y va, et il se rend compte qu'il y a de quoi qui marche pas bien avec la maison, là. Il y a des escaliers qui montent, ça arrive au plafond, c'est fini. Il y a des portes, tu rouvres une porte, c'est le mur l'autre bord. Tu rouvres d'autres portes et tu es au deuxième ou au troisième étage, puis c'est le vide après. Regarde, plein d'aberrations comme ça qui sont pour désorienter les esprits. C'est volontaire. Et à toutes les fois qu'elle réussit à faire entrer en paix un esprit, eh bien, la pièce ou l'appartement en question est démoli et reconstruit pour faire autre chose. Et c'est une aberration. Et l'histoire, historiquement parlant, Sarah Winchester, pendant à peu près 20 ans, aura fait construire la maison à raison de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ben voyons. Et elle aura dépensé plus de 20 millions de dollars, qui est une somme astronomique pour l'époque, là. Écoute, et le film raconte cette histoire-là, l'évaluation que le médecin doit en faire. Et bien sûr, aujourd'hui, aux États-Unis, la maison Winchester, qui est beaucoup plus un manoir qu'autre chose, qui est un endroit qu'on peut visiter réellement, est réputée pour être un des lieux les plus hantés de l'Amérique. C'est fun. Par contre, le film l'a très mal amené. OK. Et tu te rappelles, tu dois avoir vu à l'époque les films de Vendredi 13 et compagnie où ce que le seul moment où ce qu'on voulait te faire le saut, c'est quand on faisait un punch avec un gros bruit qui allait accompagner ça, puis que bang! C'est ça. Les fantômes sont absolument pas crédibles là-dedans. Fait que j'ai été un peu déçu parce qu'il y avait vraiment... matière à pas plus. Absolument, absolument. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est une série télévisée qui est un remake de Lost in Space, Perdu dans l'espace. Ça va être pas pire, ça. Ben, tu te rappelles probablement de la série bien originale de 65. Sûr. Ben, les trois saisons de Irwin Allen. Cette fois-ci, c'est une réalisation de Matt Sazama, Burke Sharpless, et ainsi que Irwin Allen, bien sûr, pour être l'instigateur, même à titre posthume. Et c'est vraiment très bon. On ramène énormément l'ambiance, si tu veux. Évidemment, pas aussi naïf que les années 60, c'est très actuel, mais le contexte de la famille Robinson, jeu de mots, Robinson, ben ouais, qui part dans l'espace pour coloniser Alpha du Centaure comme à l'origine, et ainsi de suite, et qui, malheureusement, ben, ils se perdent dans l'espace. C'est vraiment très bon, Sinistros, et je le conseille fortement de l'écouter. Moi, je suis un fan de la série originale. C'est probablement même ma série préférée, ou à peu près. Et je me suis complètement retrouvé dans ça. J'ai beaucoup aimé Lost in Space, saison 1. Et j'espère qu'ils vont en faire une deuxième. Voilà. Donc, on va poursuivre musicalement, mais cette fois-ci avec... On va aller en pause. On va aller en pause et on revient. La machine à remonter le tympan. Votre émission consacrée aux musiques pré-rock, folk, country et blues. Tous les dimanches à 18h à C'est Fou 89,1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Bon, ben, on va y aller musicalement cette fois-ci avec quelque chose qui, je te dirais, va s'apparenter un peu à ce qui pourrait se ressembler à potentiellement être du doom. Ah, donc ça va peut-être bien fitter avec mon bloc d'après. Ben, il y a des chances, effectivement. Oh. On va entendre une formation qui donne dans un death doom, soit Asphyx, formation que j'aime beaucoup. Oui. Très, très bonne. Mais tout de suite, on va y aller avec une formation que... probablement que notre grand premier ministre du Canada aimerait peut-être. Va probablement apprécier Weed Demon. Let's go. We'll be right back. fou. 20h41, c'est Strauss. Ça a-tu de l'allure, ça? Imagine-toi, là. Ben, j'imagine plein de choses. Ah, moi aussi. Oui, ça, je le sais. Puis, ils sont pas toutes belles. Ah, ben là, c'est pas grave, ça. Non? Le but, c'est d'imaginer dans la vie. Oui, c'est vrai que t'as beaucoup de créativité destructrice. des Pays-Bas, Asphyx, à l'instant, et la pièce Cape Horn. Très bonne pièce tirée de Death, The Brutal Way. Leur 7e album paru le 19 juin 2009 sur Century Media. Mais quel bon band, hein? Eh oui. Quel bon band. Et quel vocal particulier. Ouais, Van Dronen. Ouais, Martin Van Dronen, c'est vraiment un vocal qui se démarque. Ben, c'est pas une super belle voix, faut le dire, mais c'est une voix qui va tellement bien avec le style, là. Ouais, c'est ça. Et juste avant, la formation de l'Ohio, Weed Demon, et un extrait de leur seul et unique album, en fait, album studio complet, soit Astrological Passage, qui est paru le 18 août 2017 de façon indépendante, la pièce étant Primordial Genocide. Weed Demon, comme je le dis, ben ça va assez bien avec ce que notre bon premier ministre veut développer. Oui, effectivement. Et puis d'après moi, il va tomber de haut à Monday. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour écouter de la musique, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, oui, bonne idée, vas-y donc. Continuons sur cette lancée doumesque, pesante et amusante. Ben, elle est tellement bonne. Hey, oui. Ben, oui. Beastmaker, groupe américain avec la pièce Heaven to Hell, c'est paru sur l'album Inside the Skull en 2017, sera suivi de Demon Eye, également des États-Unis, avec la pièce The Redeemer, paru sur l'album Prophecies and Lies, paru le 11 août 2017. Et nous terminerons avec Uncle Acid and the Dead Beast. Ah, ça, c'est un site déglingué. Hein? Oh oui, avec l'album Volume 1 qui est paru en 2010. On va entendre l'excellente Witch's Garden. Mm-hmm. Ça, alors, c'est dans le fuzzy, là. Ah, c'est très psychédélique. Ouais. Peut-être que nous aurons peut-être le temps de revenir en nombre. Oh oui, on a le temps. Pour aller vous... Vous lui faire envoyer, oui, cueillir des pancrettes. Allons-y tout de suite avec Beastmaker. Let's go. Heaven to Hell. Yeah. Yeah. L'émission tire à sa fin. Après, il en reste juste deux. Oui, effectivement, il ne restera que deux émissions à partir de la semaine prochaine. Eh bien, on vient d'entendre Uncle Acid and the Dead Beats avec la pièce Witch's Garden. Hein? Ça vous a pris par surprise, hein? Ah, ben moi, je trouve ça assez bien, généralement. Ben, oui, bien, c'est vrai. C'est apparu sur Volume 1, qui est apparu le 13 février 2010 sur Killer Candy. On a eu Demon Eye avec la pièce de Redeemer sur l'album Prophecies and Lies. C'est paru en 2017 sur Soul Seller Records. Un autre petit label, il s'en vient pas pire, ça. Ouais, ça se peut. Peacemaker avec Heaven to Hell, c'est paru sur Inside the Skull le 19 mai 2017 sur Rise Above. Tu vois, je connaissais pas la formation Beastmaker. Eh bien, maintenant, tu connais. Ouais, j'ai trouvé ça assez bien. Excellent. Ce vendredi, pour les vrais amateurs de vrai rock, ici même à 6 fois, compté de 11h, c'est Rock Classique. Et le Rockmaster vous proposera cette semaine la partie 2 de son spécial qui ne seront pas intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. Pauvres autres. Ouais, ben avec... C'est ironique, si. Oui, avec cette organisation-là, il faudrait pas... C'était très, très ironique. Incroyable. Donc, de 11h à 17h... Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock. Aussi, ce vendredi, c'est l'émission qui fait son retour bi-hebdomadaire avec notre ami DJ Tower of Death et Subversion sur Underground. Non, sur SoundCloud, voilà. Et n'oubliez pas d'aller consulter le site de notre ami Sinistro, son blog hurlement.com avec ses chroniques farfelues et ses appréciations incompréhensibles. Incompréhensibles, bien important. Et aussi le site de réanimation, réanimationad.com. Justement, parlant de ça, je dois le consulter parce que la semaine prochaine, ce sera la quatrième partie de l'évolution métallique selon Sinistro. Oui. Et moi, je vous présenterai quelques extraits de l'album, de la formation Lick, l'album étant Carnage. Ça a l'air très intéressant, cette petite formation-là. Ouais, la pochette est géniale. Oui, très belle tout pochette. Tout à fait. On va cesser avec quelques mesures d'une pièce de Narcotic Wasteland, la formation, la nouvelle formation de Dallas, l'ex... Oui, ex-Nile. Ex-Nile, effectivement, la pièce étant Bleed and Smell, tirée du deuxième album Delirium Tremens, qui est paru le 13 octobre 2017 de façon indépendante. On se retrouve la semaine prochaine à 19h, mardi prochain, et d'ici là, allez tous vous faire foutre. C'est où?